Le lendemain, à 9 heures du matin, le baron, en attendant sa fille à laquelle il avait fait dire de venir, se promenait dans l'immense salon inhabité, cherchant des raisons à donner pour vaincre l'entêtement le plus difficile à dompter, celui d'une jeune femme offensée et implacable, comme l'est la jeunesse irréprochable, à qui les honteux ménagements du monde sont inconnus, parce qu'elle en ignore les passions et les intérêts. « Me voici, papa, » dit d'une voix tremblante Hortense que ses souffrances avaient pâli. Hulot, assis sur une chaise, prit sa fille par la taille et la força de se mettre sur ses genoux. « Eh bien, mon enfant, » dit-il en l'embrassant au front, « il y a donc de la brouille dans le ménage, et nous avons fait un coup de tête. Ce n'est pas d'une fille bien élevée. Mon Hortense ne devrait pas prendre à elle seule un parti décisif, comme celui de quitter sa maison, d'abandonner son mari, sans consulter ses parents. Si ma chère Hortense était venue voir sa bonne et excellente mère, elle ne m'aurait pas causé le violent chagrin que je ressens. Tu ne connais pas le monde, il est bien méchant. On peut dire que c'est ton mari qui t'a renvoyée à tes parents. Les enfants élevés, comme vous, dans le giron maternel, restent plus longtemps enfants que les autres. Ils ne savent pas la vie. La passion naïve et franche, comme celle que tu as pour Venceslas, ne calcule malheureusement rien. Elle est toute à ses premiers mouvements. Notre petit cœur part, la tête suit. On brûlerait Paris pour se venger, sans penser à la cour d'assises.